50 languages. 12. 12. المشروبات. Les boissons. Les boissons. أشرب الشاي. Je bois du thé. Je bois du thé. أشرب القهوة. Je bois du café. Je bois du café. أشرب مياه معدنية. Je bois de l'eau minérale. Je bois de l'eau minérale. هل تشرب الشاي مع الليمون؟ Bois-tu du thé au citron? Bois-tu du thé au citron? هل تشرب القهوة مع السكر؟ Bois-tu du café avec du sucre? Bois-tu du café avec du sucre? هل تشرب الماء مع الثلج؟ Veux-tu de l'eau avec des glaçons? Veux-tu de l'eau avec des glaçons? هنا تقام حفلة. Il y a une fête ici? Il y a une fête ici. يشرب الناس شامبانيا. Les gens boivent du champagne. Les gens boivent du champagne. يشرب الناس نبيذا وجاعة. Les gens boivent du vin et de la bière. Les gens boivent du vin et de la bière. هل تشرب كحولا؟ Bois-tu de l'alcool? Bois-tu de l'alcool? هل تشرب ويسكي؟ Bois-tu du whisky? Bois-tu du whisky? أتشرب كولا مع روم؟ Bois-tu du coca avec du rhum? Bois-tu du coca avec du rhum? لا أحب الشامبانيا. Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas le champagne. لا أحب الخمر. Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas le vin. لا أحب الجعة. Je n'aime pas la bière. Je n'aime pas la bière. الرضيع يحب الحليب. Le bébé aime le lait. Le bébé aime le lait. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse.